Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Que fait le maire ? Une série de Martine Abad réalisée par Assia Khalid et Julie Béressi. Au départ de cette série, il y a l'envie de comprendre en quoi consiste la fonction de maire et pourquoi il démissionne de plus en plus. Il y a aussi l'idée d'explorer tous les territoires, de voir comment ils sont administrés et comprendre comment s'invente la concertation. Alors pour commencer, les personnages. Un maire écologiste et son rêve, un adjoint au maire dans les houillères, une adjointe à la culture et la fête foraine, un petit-fils de maire, un évêque trop content, d'anciens mineurs, des habitants avec un projet, une assistante maternelle déterminée au collectif et une femme qui s'active pour les enfants de la cité. Ensuite le décor. Los Angeles, la démocratie participative, des beaux discours, la transition écologique, des terrils, 186 mètres d'altitude, un classement, le grand capital, des récoltes d'histoire locale, un skatepark, une église à panneaux solaires, une politique en coproduction et une maison de quartier vide. Aujourd'hui, quatrième épisode, on a branché la sono. C'est bon là, je pense que le son est correct. Bon, je vais essayer de vous le passer avec le Que fait le maire ? Los Angeles, un maire dans la transition démocratique. Un documentaire de Martine Abad et Julie Béressi. C'est marrant, quand il y a un pot du maire, il y a du monde. C'est bizarre. Hein. Bon. Non, c'est pas pour ça que vous êtes là, en fait. Pas seulement, voilà. Bon, en fait, ce qui nous anime, ce qui fait qu'on est réunis aujourd'hui, c'est une certaine idée de faire la ville ensemble. C'est la question de la démocratie. Moi, j'ose le dire comme ça. La démocratie, ça suppose donc, en tout cas, c'est notre vision à l'os, qu'on est le plus participatif possible. C'est très à la mode, hein, la démocratie participative. Mais la démocratie participative, ça peut être un grand piège, parce que ça peut devenir dans les réunions publiques et puis dire « je paye mes impôts, donc j'y ai droit ». Voilà. Et c'est complètement normal. Mais le risque de ça, c'est que ça nous met dans une position de consommation de l'action publique. En gros, ben, vous les élus, démerdez-vous de l'intérêt général. Et moi, je veux mon intérêt particulier. C'est normal de vouloir son intérêt particulier. Mais l'intérêt général, il tombe pas du ciel. Il est ce qu'on en fait. Et c'est pour ça qu'à l'os, notre parti pris, c'est de dire, c'est tout au long de l'année qu'on fait de l'intérêt général ensemble. C'est tout au long de l'année qu'on fait de la démocratie ensemble. Pas de la démocratie uniquement pour dire je vote ou je barre des ronds-points, même si je respecte complètement les prises d'initiative des uns et des autres. Du coup, on essaye, vous le savez, hein, depuis longtemps, de mettre tout en production collective. On essaye de saluer les initiatives des habitants. Une fois qu'on a dit tout ça, moi je félicite toutes les associations parce qu'il y a plein de choses merveilleuses qui sont là ici autour. C'est pour ça que, d'ailleurs qu'on a inventé le terme les bâtisseurs de l'os. C'est cette idée que oui, il y a un maire, oui, il y a une équipe municipale, mais on n'est rien si les Lossois s'en saisissent pas. Je vais m'arrêter là parce que vous avez compris que c'est un sujet qui me passionne, parce que je pense que la démocratie, c'est un sujet très important. Très important. C'est quand on n'en aura plus qu'on pleurera et quand on verra le retour de l'arbitraire, de l'autoritarisme, etc. Quand j'entends le mec du Brésil qui dit que le réchauffement climatique, c'est un complot marxiste, enfin, vraiment, on se dit, mais où Trump, enfin, où on va, quoi. Vous vous rendez compte, dans des pays de 200 millions d'habitants, c'est un sujet qui nous concerne tous. Voilà. Donc moi, je suis très fier de ce que vous faites, vraiment, les uns les autres. La capacité d'initiative des Lossois, c'est merveilleux, d'entreprendre. Et finalement, ça fait communauté, quoi. On est une communauté. Et on est une communauté agissante, et pas simplement une communauté de consommateurs. Mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, la Concordia de Los Angeles. Hein? c'est Jean-François Caron, maire Europe Écologie Les Verts de Losangoël, 7000 habitants dans le Pas-de-Calais, qui s'exprime un samedi de novembre devant ses habitants. Tout le monde est réuni à la salle des fêtes pour rendre hommage aux nombreuses associations et bénévoles qui animent la ville. Chacun présente ses activités, l'équipe municipale en profite pour informer les habitants sur ses projets, les stimuler pour participer à certaines actions, encourager leur expression. Il y a un buffet, des crêpes, un potage de légumes bio cultivés par les maraîchers locaux, la fanfare municipale, des jeunes qui s'occupent de l'accueil. La ville travaille depuis près de 30 ans sur cette question : comment associer les habitants aux décisions municipales et encourager la participation citoyenne. Elle imagine de vrais outils participatifs qui ne se résument pas à de simples réunions publiques, et ceci pour impliquer les habitants dans la transition écologique qu'elle met en œuvre. Mais le paysage de Losangoël, c'est avant tout deux terrils noirs qui dominent la ville. On y grimpe avec Francis Maréchal, adjoint au maire. Moi, je suis impressionnée, c'est la première fois que je... Monter sur le terri. Ouais. C'est lunaire, c'est noir. Voilà, c'est ce qui se traduit en général par tous les visiteurs qui ne connaissent pas du tout. C'est une ambiance quand même très particulière et qui est contrastée par rapport au reste du territoire. Et comment on les appelle? Ils ont un nom? Alors, c'est non, ils ont un numéro. Terri 74, je crois, à A et B. C'est voilà, c'est tout. C'était ben, des numéros. Les houillères n'étaient pas forcément fantaisistes. C'est comme les fosses. On dit le 11-19 parce que c'est la fosse 11 qui a été construite à 11e position dans la concession des mines de Lens. Et le 19 parce que c'est le 19e trou qui a été fait dans les... Voilà, c'est tout. Alors, ce que les gens s'imaginent pas, c'est qu'ici, en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terris en tout, sur cet espace ici. Alors, il y en a deux qu'on voit plus, ou presque plus. C'était les deux terris qui étaient avant la guerre 14. Alors après... On a érigé deux autres terris qui sont aujourd'hui exploités. On entend des machines, hein, on entend des bulldozers là sur le côté. En fait, c'est deux terris qui sont exploités, c'est-à-dire qu'on a pris des matériaux pour faire des travaux publics. Ensuite, on a érigé ces deux terris-là. D'année en année, on les voyait monter. À un moment, il a fallu arrêter, parce que par exemple, tous les gens qui regardaient la télé de l'autre côté, ils avaient plus le... ils recevaient le signal. Plus la télé. Ah, oui. Et ensuite, on a fait le plateau ici, au milieu. Donc, si vous comptez bien, ça fait deux de la guerre 14, les deux du fond, ça fait 4, 5, 6 et 7 le plateau. Tous portent un numéro différent. Moi, je les ai vus, la fosse, la 19, la fosse de la Tour Blanche, a été mise en service en 1960. Et la mine s'est arrêtée en 86. Et en gros, en 1960, ces deux terris-là étaient ridicules. Vous vous en souvenez, vous? Oui, ben, j'y étais, moi. Ça veut dire je suis que... né en 1948. Donc, non, mais je les ai vus pousser, ces terris-là. En 30 ans, ils ont poussé. Ils ont monté comme des champignons. Puis ça représente des millions de mètres cubes. Hein. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est énorme. Bon, ben, on essaye d'aller voir un peu. Allons-y. C'est lequel que vous voulez monter? Celui-ci, on peut monter facilement. Et ben alors, c'est parti. Voilà. C'est un peu l'Égypte, hein? Oui. La pyramide des rois ici, nous, c'est la pyramide de nos parents. Et on considère qu'elle a autant de valeur que celle des rois. Nos terris valent bien les pyramides d'Égypte. Voilà. Même si c'est pas le même contexte, c'est pour nous, pas dans les mêmes... Bonjour. Bonjour. Ça glisse. Ouais, c'est un peu... Je reviens pas que c'est comme ça bien lisse et... Mon grand-père, il a fait ce qu'on appelait la bataille du charbon, après la guerre. Il fallait redresser l'industrie et l'énergie. La seule énergie qu'on avait à cette époque-là, à ce moment-là, c'était le charbon. Et donc, il fallait produire du charbon. C'est-à-dire que c'est le moment où, en 50 ans, on a sorti la moitié de tout ce qui est sorti ici en... Je ne sais pas exactement les chiffres, mais oui, une grande quantité. D'ailleurs, c'est pour ça que ces terris-là ont poussé comme des champignons. Quoi. Après, après la guerre, la production elle a augmenté. On a appelé ça la bataille du charbon, donc ils recrutaient, ils disaient aux gens, c'est vous faites le plus beau métier du monde, vous allez sauver la France, etc. On mettait des petits drapeaux en haut de chaque puits pour indiquer que ça, le puits, c'est celui qui avait fait le plus de tonnes de charbon ce mois-ci, etc. Enfin, et puis on donnait beaucoup de primes, etc. Alors, ces deux terris-là, évidemment, c'est sur l'os, c'est des traces indélébiles pour l'os, mais c'est tous les terris dans le bassin minier. Il y en a combien? Je compare, alors on en avait plus de 300. Il en reste 200 et quelques maintenant, puisque quelques-uns ont été exploités pour les travaux publics. C'est-à-dire ça sert de remblai ? Ou de remblai pour faire des assises de route, de chemin de fer, enfin, etc. quoi. Et donc, ça, c'est la marque, en fait, de tout ce qui s'est passé pendant toute cette épopée minière. C'est les seuls témoins qui restent, hein, parce que des puits de mine et tout ça, il y en a très peu maintenant, il y en a très très peu, ils ont tous été démolis, tandis que les terrils sont là. Et du coup, pour moi, c'est un côté extrêmement symbolique. C'est qu'en fait, là, ici, on marche sur des matériaux qui ont été déposés là par le travail des mineurs. Donc ça représente aussi leur sueur, leur... Enfin, tout ça. Mais sans être passéiste, c'est quand même quelque chose qui est le témoin de notre histoire, de nos parents, etc., de notre famille. Puis en même temps, c'est en continuelle évolution. Et c'est en plus un renouveau complet. C'est-à-dire que le terri, c'était bien une exploitation industrielle. Ici, c'était interdit de venir, puisque on était dans l'industrie, hein. Et ça, aujourd'hui, ça a complètement évolué et c'est devenu... C'est au milieu du territoire, vous avez vu, on est en ville, hein, on est dans les rues. Et tous les terris sont très proches des habitations. On les voit depuis la ville et on peut y aller. Tous ces espaces miniers qui ont été délaissés maintenant sont devenus des réserves de biodiversité, des endroits où on peut faire du sport, des endroits où on peut faire... Vous avez vu, vous avez rencontré des gens qui marchent. Bon, puis pourtant, c'est pas non plus une belle journée, hein, mais il y a des moments, il y a plusieurs centaines de personnes, on a, je crois, 150 000 personnes par an sur le terri, qui viennent marcher, se balader, enfin, peu importe, hein, faire du footing. Il y a des gens qui viennent s'entraîner, qui montent, qui descendent. Et c'est vraiment un renouveau, c'est quelque chose qui est complètement passé d'une histoire à une autre histoire, aujourd'hui. Mais on est monté. On est à quelle altitude ? Alors ici, on est à presque 186 mètres d'altitude, par rapport à la mer, hein, évidemment. Hein. Donc effectivement, on est sur nos petites montagnes. Voilà. C'est les plus hautes terrils ? C'est les plus hautes terrils, on dit les plus hautes terrils d'Europe. D'Europe ? Voilà. Ouais. Alors il y a une chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que d'ici, on voit bien la chaîne des terrils. Si vous regardez par là, vous voyez les terrils jusque, bon, là-bas à gauche, jusque Brué, en fait, hein. Et si vous regardez de ce côté-là, si on avait le temps clair, on verrait les terrils du côté de Valenciennes, quasiment à deux pas de la frontière belge. Et vous avez mis du temps à obtenir son classement à l'UNESCO en 2012 On a mis, entre l'idée de commencer à poser une candidature pour l'UNESCO, il nous a fallu une dizaine d'années à peu près. On continue ? Allez. J'ai froid aux pieds. On monte encore jusqu'en haut ? Il y a une joggeuse qui monte en courant là. Les gens qui font ça sportivement, notre mère c'est un grand sportif, hein. Il a fait des marathons, il a fait Ironman, etc. Ah, bon ah ouais, ouais. Votre mère c'est Ironman ? Ouais, il l'a fait plusieurs fois. Et vous ? Moi non. Depuis que je suis maire, on a toujours cette idée. Il y a une vision, il y a un sens, il y a du sens, il y a un cap, quoi, à longue distance, que moi j'appelle l'étoile et les cailloux blancs. C'est-à-dire, il faut une étoile qui, dans l'action politique, il faut une étoile qui brille dans le ciel, enfin, dans la vie d'ailleurs, hein. Une étoile qui brille dans le ciel et qui nous met en désir. Le désir, c'est de l'énergie, mais de l'énergie primale, quoi, quelque part. Mais en tout cas, il y a un but. Bon, donc, on a besoin d'une étoile qui brille. Mais en même temps, si on n'a pas des cailloux blancs qui mènent à l'étoile, ça veut dire que l'étoile, on la regarde, mais elle n'est pas pour nous. Et donc, ça provoque de la sidération. Rêvez, rêvez, mais ce ne sera pas pour vous. Et ça, ça provoque aussi du coup, sidération, frustration et colère. Bon. Et l'une des façons, pour moi, de manager la ville, c'est d'être en permanence dans ce dialogue entre l'étoile et les cailloux blancs. Ce qui se joue à Los Angeles, c'est devenu la ville durable. La ville où les gens se parlent, où chacun arrive à trouver sa place, et où dans la gestion des ressources, dans la façon dont on développe notre modèle économique, on voit qu'on va à la fois créer de la richesse, mais une richesse qui va ménager les hommes et qui va ménager l'environnement, la planète. Bon. Pourquoi c'est notre rêve ? C'est parce qu'on était l'archétype du non-durable à Los Angeles. Par exemple, les sols ont baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Donc les cours d'eau s'inversent, les maisons se cassent. On a des pollutions massives dans nos nappes phréatiques, sur la qualité de l'eau. On a les plus faibles espérances de vie de France. Enfin, on cumule tout, quoi. Et je parle même pas des taux de chômage. Donc on est l'archétype d'un modèle qui a produit de la richesse. Beaucoup. Mais beaucoup de richesse. Un franc, quand on trouvait du charbon, un franc injecté en ramenait 100. Sauf que cet argent, il n'est pas resté chez nous. Il était dans la poche des capitalistes, qui, parce que la mine, c'est une activité capitalistique par excellence. Bon. C'est-à-dire que vous avez ici ce bassin, il a enrichi bien sûr. Certaines personnes, enrichi la France aussi. Et bien sûr qu'il a enrichi ceux qui avaient à l'époque investi dans les mines. Au début, c'était les grandes familles bourgeoises de la métropole lilloise, hein, qui venaient de la laine, du coton, enfin les familles du textile. Et puis ensuite, bon, après 45, c'était dans les caisses de l'État. Bon, donc ça a à la fois enrichi en ressources financières, si on peut dire, mais ça a aussi été au cœur de la puissance de la France, puisque tout fonctionnait par l'énergie et le charbon, c'était la source d'énergie. Donc nous, on est ceux qui avons contribué à ça avec un prix très lourd. Un mineur, quand on disait qu'un mineur voyait sa retraite, c'était génial, quoi. Il a vu sa retraite. Ça veut dire qu'il n'est pas mort d'accident au fond, il n'est pas mort de la silicose, parce que la silicose tue bien plus que les accidents du fond. Il disait qu'il a vu sa retraite. Il a vu sa retraite. Un mineur qui voit sa retraite à 50 ans, c'est un événement, quoi. Et donc, du coup, moi, j'arrive élu avec un territoire qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup, qui a été pressé comme un citron. Mais l'argent, il n'est pas là. Nous, on a toute une série de séquelles économiques, sociales, culturelles, environnementales, et on est l'archétype du non-durable. Comment ça a fonctionné chez nous ? On est parti. En fait, mon père était maire de la commune avant moi, et c'était un partisan de l'autogestion dans les fondateurs de la CFDT. Et c'était un mineur ? Non, c'était pas un mineur. Toute ma famille est mineure, mais pas mon père. Et d'ailleurs, des fois, je me dis que l'énergie qu'il y a mis et que moi je mets, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une forme de besoin de rendre. Moi, il y a une chose qui m'a énormément marqué. J'ai compris ça il y a relativement peu de temps. Un souvenir d'enfance qui s'est exhumé lors d'une prise de parole et d'un seul coup, un truc est sorti. Quand j'étais en CM2, j'étais à côté d'un copain et on est venu chercher pendant la journée. Et en fait, son père venait d'être écrasé au fond de la mine. Et j'ai le souvenir que je me disais, mais moi, ça va pas m'arriver. Mon père n'est pas mineur. Mon grand-père, oui. Tous mes oncles, oui. Vous savez, dans le bassin minier, on est tous autour de la mine. Hein. Mais pas mon père. Bon. Et donc, du coup, pour revenir à mon père, il était dans l'autogestion. Il avait été chef scout au niveau national dans l'après-guerre. Et il avait déjà ce système de valeurs, de la responsabilité, de l'autonomie, de se prendre en charge, quoi. Bon. Ce qui d'ailleurs fait que Loos a très vite eu un destin très différent des villes autour, puisque là-bas, les systèmes communistes dans les villes autour étaient sur le modèle guédiste. Donc le guédisme, en gros, enfin, j'ai pas fait de sciences politiques, hein, mais en gros, ça veut dire on fait pour le peuple, au nom du peuple, et on s'organise en force politique. On ne doit pas être très très loin du trotskisme, etc. Bon. Et donc du coup, Loos était extrêmement différent dans ses gènes presque. Bon, puis mes quatre grands-parents sont originaires de Loos en Goëlle. Mon arrière-grand-père était délégué mineur. C'était un gars qui n'arrêtait pas de faire des grèves. C'est un peu comme Eugène Lantier dans Germinal. Et mon grand-père me racontait que les mineurs déposaient une pomme de terre, un bout de pain, parce que comme ils n'avaient pas à manger, y avait la corporation minière était solidaire de leur leader grande gueule, quoi, mais et tout le temps dans les grèves, donc tout le temps renvoyé. Et mon arrière-grand-père a appelé ses enfants juvéniles Danton, Rosa, Églantine, Louise Michel, Ferrer et Voltaire. Et Voltaire, c'est mon grand-père. Et Juvénal et Danton ont été gardes du corps de Léon Blum. Donc, du coup, moi, j'ai une généalogie très sociale. C'est d'abord par la culture que, dans les années 80, le maire Marcel Caron a initié l'implication citoyenne. Il crée le festival Les Goéliades, pour lequel des spectacles sont montés avec les habitants et mis en scène par des professionnels. La ville s'y raconte. Elle fait le récit de ce qu'elle est, de son histoire. L'idée du maire, c'est de redonner de la dignité à ces familles décimées par la fermeture des puits. C'est de faire le deuil de la mine. Les terrils sont confiés à des artistes du Land Art qui les transforment en Kilimandjaro. Des femmes tricotent des écharpes gigantesques pour les emmitoufler. L'équipe veut montrer que ce paysage n'est pas si laid, qu'il faut changer le regard. Christine Stievenard est adjointe au maire depuis 17 ans. Elle est aujourd'hui chargée de la culture et de la citoyenneté. Elle prépare le prochain spectacle. Pour le mois de juin 2019, on a un grand projet sur le thème des forains et de la Ducasse. Donc la Ducasse qui est pour les gens du Nord la fête foraine. Et donc on a aussi à Le Sanguel pas mal de familles de forains qui habitent et qui vivent sur place. Donc ça nous semblait intéressant de raconter leur histoire, leur façon de travailler, leurs traditions. Plusieurs familles, elles sont très présentes et on les connaît très peu en fait. On connaît très peu leurs habitudes, leurs valeurs qui sont très fortes. On a fait pas mal d'interviews pour mieux connaître leur vécu. On a récolté aussi pas mal la parole des habitants, des élèves du collège aussi. Il y a des profs qui ont fait un travail avec les élèves. On a fait intervenir des slameurs aussi au niveau des troisièmes, au niveau du collège de Le Sanguel, qui ont fait des ateliers d'écriture en fait avec les jeunes, pour que chacun évoque un petit peu ce que c'était pour lui ou pour elle, des souvenirs de Ducasse, comment ça se passait pour eux. Et ça ouvre le regard sur l'autre. Et je crois que la richesse dans notre civilisation, c'est aussi vraiment d'apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble, tout simplement. Moi, quand j'arrive responsabilité, je suis conseiller municipal et je m'occupe de l'urbanisme. Et vous êtes conseiller municipal de votre père qui est maire. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, moi, en 92, j'ai été tête de liste écolo. En fait, moi, mon écologie, c'est une écologie qui, d'emblée, elle ne peut pas dissocier les questions environnementales, économiques et sociales, puisque mon territoire est la résultante de ce modèle qui a tout détruit, les hommes et la nature, et l'image du territoire, donc sa capacité à se relever, et qu'on ne pourra apporter des réponses que de manière systémique, de manière globale et transversale. Donc, ça fait que j'arrive sur la liste. Et arrivant sur la liste, comme je suis passionné par les questions de l'aménagement du territoire, je m'occupe des questions d'urbanisme, et en fait, il faut qu'on révise notre plan d'occupation des sols. C'est en quelle année, ça ? C'est en 96. Et là, le bureau d'études qui s'occupe de ça, il a une vingtaine de points dits techniques sur le poste. Bah tiens, dans telle rue, les tuyaux passent, donc on va rendre urbanisable tout ce qui est long des tuyaux. Et moi, la première question, je dis, ah non, on ne peut pas faire un truc comme ça. Enfin, c'est une rue en pente qui descend sur la ville, qui est à 1,5 km du centre-ville. Donc je dis au bureau d'études, là, on est sur des questions d'étalement urbain, les gens vont être obligés de prendre leur voiture pour aller à l'école, ils ne sont pas insérés à la ville, on n'a pas de réflexion paysagère, bon bref. Donc je bloque tout. Et à ce moment-là, en gros, je fais avancer cette idée devant le conseil municipal qu'on ne peut pas faire un schéma d'urbanisme si on n'a pas une idée de notre projet de ville. Or, notre projet de ville, il est complètement caduque puisqu'il était organisé autour de nos 9 puits de mine. Et que si on ne pense pas ce que c'est la ville pour le siècle qui arrive, comment on peut faire un plan d'occupation des sols? Bon, ok. Donc on arrête tout et on lance un grand exercice participatif pendant un an et demi, avec les agriculteurs, les commerçants, le milieu économique, les différents quartiers. Donc ça, les c'était avec votre père maire. Alors lui, il était maire, voilà. Et moi, conseiller municipal, je prends la main là-dessus. Mmh. Et du coup, on fait venir des experts, des gens qui nous éclairent et des gens qui nous font regarder notre commune autrement. Donc le décalage est intéressant. Et moi, je théorise pas que le peuple a tout le temps raison. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vachement intéressant d'avoir des gens, bien sûr, qui viennent nous éclairer, nous ouvrir les yeux, changer les représentations. Et donc, du coup, on en est arrivé à définir une forme de projet de ville dont les premiers dessins étaient déjà corriger tous nos énormes problèmes. L'eau était complètement polluée. Alors, la gestion de l'eau pour la préserver, pour la capter, ça va être absolument stratégique. C'est comme ça qu'on a commencé à installer des cuves à chaque fois qu'on faisait des travaux, et puis surtout nos grands bâtiments. Et c'est comme ça que depuis 15 ans, on ne consomme plus d'eau potable à Los. On ne consomme que de l'eau de pluie. Je parle pour les usages de la ville. Hein. On ne boit pas de l'eau de pluie, hein, mais quand il faut laver les routes, arroser les terrains de foot, le fleurissement, etc., c'est que de l'eau de pluie. On ne consomme plus d'eau. De la même manière, les mineurs avaient charbon gratuit. Et donc, les maisons des mines, c'était des passoires énergétiques, mais monstrueuses. Donc, du coup, la question de la réhabilitation thermique, de l'éco-construction, elle s'imposait en disant, il faut qu'on mette le paquet à cet endroit-là, on n'arrive plus à payer notre chauffage, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est démarré, par un processus participatif, l'émergence d'une vision qui, au début, était en réaction par rapport à des problèmes, et qui, progressivement, s'est affinée vers cette étoile qui brille dans le ciel, et qui est l'étoile de la ville durable. En train d'imaginer une aire de jeu pour enfants. On n'est pas encore à l'étape du projet, mais on questionne les gens sur ce qu'ils aimeraient voir éventuellement si quelque chose devait émerger. Vous travaillez pour la mairie ? Oui. Donc vous avez mis en place des questionnaires, c'est ça ? C'est ça, quelques questions pour savoir s'ils gardaient des enfants, pour savoir ce qu'ils devaient trouver sur une aire d'enfants. Et on les questionne aussi sur d'autres équipements existants, sur le coût de ces équipements, pour qu'ils se représentent un petit peu ce que ça pourrait coûter. Alors par exemple, vous posez la question, quel verbe vous paraît le mieux adapté pour une aire de jeu pour enfants ? Ouais, voilà, ouais. Donc en fait, on a une série de verbes, balancer, basculer, équilibrer, et les gens doivent en choisir trois maximum. Vous, vous pensez quoi, madame ? Bah, moi, je pensais des rencontres qui sont entre eux, les enfants, premièrement, au départ. Bah, vous mettez une pastille ? J'ai mis la bleue. Je mets bleu partout. Comme ça. D'accord. Okay. Bon, moi, je pensais à ça. Après, ça les leur donne de l'équilibre, peut-être. Disons qu'ils font des mouvements, tout ça. Alors, je mets la pastille bleue, comme toujours. Balancer, bon, ben, une balançoire, basculer, grimper, expérimenter, glisser, manipuler, tourner, simuler. Moi, j'aime bien la rencontre. J'aime bien l'équilibre. Et puis après, je sais pas. Et alors, combien ça coûte ? Parce que il y a marqué, selon vous, combien a coûté l'aménagement en face du foyer des goélands ? Entre 3 000 et 6 000, entre 6 000 et 9 000 ? Alors, entre 3 et 6 000. Bah, mettez votre pastille, je vous dirai après. C'est important de savoir combien coûtent les équipements. Voilà. En fait, comme ça, on peut se rendre compte un peu s'il existe un décalage entre la réalité et ce que les gens pensent. Et du coup, ouais, c'est important. Et ben, c'est bien, c'était ça, c'est 11 600. 11 600 sans la pause. Et le skatepark, il a coûté combien, le skatepark ? Le skatepark, sans les subventions, on est à 100 000 euros, mais on a été subventionné entre 20 et 50%. Ah ben, c'est ça que j'ai mis. Ah ben non, vous avez mis 10 000. C'est 10 fois plus. Alors, je vais prendre un exemple extrêmement pratique. Devant refaire notre église, puisque les tuiles s'envolaient, quand il y avait des tempêtes, on est parti sur en faire une église solaire qui s'est avérée être la première église solaire de France. Donc, comme tous nos process, toutes nos façons de faire, pardon, c'est de la coproduction avec les habitants, on a travaillé avec la communauté catholique. On a réfléchi ensemble et on a élaboré tout un projet. Et là où, dans d'autres communes, mes collègues me disent « Mais comment t'as fait que le curé ?» Enfin, en gros, ils sont tétanisés à l'idée de toucher à une église. Nous, c'est exactement l'inverse. L'église était un objet transactionnel, était une façon de coproduire ensemble quelque chose qui touchait, bien sûr, à la qualité de l'étanchéité de l'église, mais aussi à la façon de faire du solaire. Bon, on a fait l'église solaire. L'évêque m'a envoyé une magnifique lettre. Il pouvait pas venir à l'inauguration en disant à quel point il était ravi que l'église prenne sa part de la mutation du monde et tout. Bon. Et c'est beau, en plus. Et c'est, en plus, c'est magnifique. Oui, elle est super belle. Et du coup, la communauté catholique était de plus en plus fière de ça. De là, ça nous ramène 5000 euros par an dans notre budget de production électrique. Et ça ne nous a pas coûté plus cher par divers mécanismes. En fait, ça a été une opération blanche pour nous. Bon. Les 5000 euros ont un impact absolument considérable. C'est rien dans le budget de la ville. C'est quoi le budget de votre ville aujourd'hui ? C'est 7 millions d'euros de fonctionnement. C'est rien du tout. Mais la symbolique qu'on va investir sur des toitures et que ça vient alimenter notre budget, c'est énorme. Quand on commence à avoir de l'adhésion des gens qui sont vachement fiers de l'église, que les médias commencent à s'intéresser à nous et qu'on parle pas de nous comme les derniers de la classe, mais comme les premiers, mais juste ça change tout dans la dignité des gens du territoire. Et que du coup on est reconnu comme avoir une expertise là-dessus, eh bien on a monté, on a continué et actuellement là, ces jours-ci, on est en train d'équiper toutes nos salles de sport de solaire. Et donc mon objectif, c'est dans les 5 ans, dans les 10 ans, pouvoir proposer à tous les Lossois qu'on leur couvre, moyennant même loyer, pourquoi pas, leur toiture pour produire. Et ça voudrait dire, rêvons, mais voyez, on est dans l'étoile là, hein, ça voudrait dire qu'une ville du Nord collée à la Belgique, issue du charbon, eh ben, elle est la première de France à avoir toutes ses toitures en solaire. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on gère la ville depuis 20 ans. On a une forme d'utopie, de rêve. Mais c'est une chose que je demande souvent aux gens, je leur dis, mais c'est quand la dernière fois que vous avez rêvé en politique ? Et très souvent, les gens me regardent, puis ils sont tristes, puis ils disent, bah, ça fait longtemps quoi, que je n'ai pas rêvé en politique. Mais à Loss, on n'arrête pas de rêver. On a lancé l'inscription du bassin minier à l'UNESCO, on est le premier bassin classé au monde. Et grâce à des choses qui sont parties de Loss en Goëlle, on peut dire que l'histoire des mineurs vaut l'histoire des rois. C'est juste énorme en termes de reconnaissance, de dignité. Et d'ailleurs, les Lossois disent, nous, en fait, on peut tout faire. Ben, ça, C'est ça qui contient le FN. Quand il y a des élections nationales, à l'OS, vous êtes plus bas que la moyenne. Oui, on fait les plus faibles scores. Parmi les plus faibles scores du Front National, oui, tout à fait. Que moi, je mets sur le compte de la montée en citoyenneté. Plus les gens sont dans des associations, enfin, plus les gens sont impliqués, moins ils votent FN. Donc, du coup, je pense qu'une partie du fait que par rapport à d'autres communes, on contient le FN. On ne règle pas le problème, hein, mais on le contient. C'est lié à cette citoyenneté très active qu'il y a sur l'os. Mais néanmoins, à la présidentielle, c'était 57% pour Le Pen ici. Alors, les communes autour, 71, 72, 73%. Hein. Donc, c'est vachement mieux à l'os. Hein. Donc, c'est omniprésent pour moi. Pour que, justement, ces discours de désespérance, ces discours de désignation de bouc émissaire, etc., etc., qui sont au cœur de ce que dit le FN, puissent pas prendre. Vous savez, il y a beaucoup de pauvres à l'os, hein. Des familles qui chauffent plus qu'une pièce tout l'hiver parce qu'ils n'ont pas assez de sous et qui mettent les enfants dans cette pièce, j'en connais plein. Hein. Donc, je comprends qu'ils hurlent. Mais comment on fait pour que ça bascule pas dans une espèce de haine de tout et qu'on reprenne prise? Et c'est pour ça que le local, il est intéressant. Parce qu'à l'échelle locale, eh ben, sur plein de trucs qu'on fait à l'os, on reprend prise. Chaque personne qui a fait un bout de 50-50, eh ben, je pense qu'elle s'éloigne de ces comportements-là. D'ailleurs, un certain nombre d'acteurs d'extrême droite locale ont commencé à m'attaquer là-dessus en disant bah, « Bravo, aussi une maire, bientôt va faire tondre les pelouses par les habitants. » Mais alors à quoi ça sert de payer des impôts? C'est une façon de présenter les choses. Alors moi, je dis bah, « Les pelouses, on les tond. » Et la ville, elle fait son boulot. Mais on ne s'interdit pas d'aller plus loin si les gens ont envie d'aller plus loin. Deuxième édition de Fête in Los. Notre principe, notre volonté vraiment, c'est qu'on a des habitants qui font, des associations à Los Angeles qui font plein de choses. Et on avait envie vraiment de les mettre en lumière, de les valoriser. Un gros jet, et donc de faire un temps. Quand on développe les 50-50, donc c'est des projets que les gens ont une idée, en fait, ont envie de faire quelque chose. Viennent nous voir, montent les marches de la mairie, parce que c'est pas toujours si évident que ça de monter les marches de la mairie. Après, nous soumettent l'idée et on regarde ensemble comment enfin, la mairie accompagne souvent sur des choses techniques, sur de la communication, sur, enfin, on voit ça ensemble. Et eux mettent en œuvre, en fait. C'est donnant-donnant, quoi. Et à travailler avec les habitants, ça change aussi la façon de travailler des élus. Ça leur demande de changer leur façon de faire, d'être beaucoup plus ouvert dans l'échange et tout ça. Tout le monde n'est pas à l'aise, en fait, avec le rapport direct comme ça. Certains élus ou certains techniciens préféraient peut-être travailler dans leur bureau, tranquille, dans leur coin. Techniciens, c'est les employés de la mairie, oui. Quoi. Donc ça veut dire qu'on s'expose davantage, qu'on est plus dans le rapport direct, dans la proximité. Peut-être parfois prendre des coups. Et à force, il y a une certaine responsabilisation en fait, de chacun et de se dire la démocratie participative, la participation des habitants, c'est de la dentelle, c'est travailler de la dentelle. Et vous arrivez à évaluer le temps que ça vous prend? C'est très variable, mais je travaille à côté de ça à temps plein, donc presque tous les soirs, c'est des réunions où après, ça nécessite de prendre des congés ou des RTT ou des crédits d'heure pour pouvoir exercer mon mandat d'élu quand ce sont des réunions en journée ou des représentations. Ou... En tant qu'élu, vous avez un crédit d'heure, c'est ça? C'est-à-dire oui. Que c'est du temps où votre employeur vous laisse exercer vos mandats, c'est ça? Oui, ça fait partie du statut de l'élu, donc il y a des facilités qui sont données aux élus de bénéficier d'heures, des autorisations d'absence ou des crédits d'heures. D'heures? Donc moi, dans mon cas, c'est 105 heures par trimestre, par exemple, mais ce sont des heures en fait, qui sont défalquées de la fiche de paie, en fait, qui ne sont pas payées. Il n'y a rien qui m'oblige à être élu, donc c'est un choix, c'est un engagement personnel, c'est des choses qui nous habitent fort, et donc c'est comme ça. Je crois que je ne saurais pas faire autrement, en fait. Malgré tout. On entre dans des périodes de transition au niveau mondial et où il va y avoir des choix difficiles. On entre dans une période où les gens disent « mais vous augmentez le gasoil et moi je ne peux pas le payer ». Et donc, est-ce que la transition, elle est juste? Il faut faire apparaître les enjeux. Les gens ne sont pas cons. Discours, il était très politique ce matin. Ah ben carrément. Je crois qu'il n'a jamais été aussi politique. Vous leur parlez toujours comme ça? Ah oui. Quand vous avez l'occasion? Ah oui. En fait, je crois énormément aux vertus de la coopération et je crois énormément aux vertus de l'intelligence collective. Il y a cette idée que on a les élus qu'on mérite. Quand les gens râlent, ils ont élus, les élus dont ils sont pas contents. Bon, donc on a les élus qu'on mérite, mais on a aussi la population qu'on mérite. C'est-à-dire que si effectivement on donne des clés aux gens, ils vont être beaucoup plus pertinents. L'inconvénient de ça, c'est qu'ils vont être impertinents. Ils savent. Enfin, en tout cas, ils ont progressé. Donc, c'est pas du tout la même posture d'élu. Moi, je dis toujours, je suis dans une posture d'animateur. J'ai la capacité de mettre à l'agenda un certain nombre de sujets. Ça, c'est ce que la démocratie, mon mandat, me permet de faire. Je gère la ville, bien sûr. Bon, ok. Mais il y a une dimension animation du débat et mise en mouvement de la société locale. Je suis profondément convaincu de ça. Donc, du coup, posture d'animateur et à la fin, une posture d'arbitre. Moi, je ne suis pas pour la démocratie directe, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une responsabilité à la décision. Et la décision, il faut la prendre. Et notamment, même sur un plan juridique, moi, en tant que maire, il y a un tas de choses que je fais. Si je me plante, je vais en prison. Bon. Donc, dans mon quotidien, je me vis comme un animateur et un impulseur de dynamique, et je suis à l'affût de toutes les formes d'énergie dans la ville. Énergie citoyenne, toutes les formes. Une pétition, par exemple. Au début, ma secrétaire, elle me disait, elle arrivait, elle passait sa tête par le côté de la porte, là, ici, juste à côté, puis elle me disait, monsieur le maire, il y a une pétition d'arrivée. Je me disais, mais c'est génial, Nadine. C'est génial, une pétition. C'est quoi? C'est des gens qui se sont mis d'accord pour essayer d'écrire ensemble un bout de texte, qui ont osé taper à la porte de leur voisin. Et c'est le début de quelque chose de collectif. Alors, bien sûr, si je la prends en frontal et que je nourris en contre, ça tourne à l'affrontement, évidemment. Par contre, si on dit, mais c'est génial, du coup, moi, ces gens-là, je les invite, je leur dis, mais fantastique, on y va, vous levez un problème. On est là pour essayer de le régler ensemble. Donc et là, à partir du moment où on se met en mode résolution, alors, il y a des techniques. Par exemple, il faut accepter qu'il faut un temps de défouloir, vidage de sac. Une demi-heure au paperboard en réunion publique, on prend tout ce qui ne va pas. Quoi. Mm-hmm. Puis arrive un moment, on a épuisé la plainte. Monsieur le maire, on l'a dit. Tout est là. Oui, les voitures roulent trop vite, oui, etc. Et donc là, on peut passer à la construction. Donc, c'est extrêmement important de faire venir toutes les parties prenantes. Par exemple, sur la question de sécurité routière, je vais faire venir le bureau d'études qui travaille l'aménagement de la route. Je vais faire venir la police. Je vais faire venir avec voilà. Et à partir de là, on rentre en construction de réponses. Donc, et ça, poussé à l'extrême, tous les projets de la ville de Loos sont coproduits. Tous. Alors, ça prend plus de temps dans l'élaboration. Mais à l'inverse, ça fait gagner considérablement de temps dans la mise en œuvre. Il n'y a jamais de litige. Il n'y a pas de contestation. J'en ai plein d'exemples. Un jour, il y a un gars qui partait en retraite, qui était ingénieur d'abord à l'équipement, à l'État et ensuite au département, et qui me dit « Mais je vous ai maudit !» Parce que lui, il avait ses règles, il voyait le maire, il avait son budget, il faisait travailler son bureau d'études. Puis moi, je lui foutais toute sa baraque en l'air. Je lui disais « Non, on va rénover les tuyaux de la route, mais est-ce qu'on met ou pas une piste cyclable? Est-ce qu'on met ou pas des parkings? Est-ce qu'on met ou pas des arbres ?» Mais ça, c'est le grain à moudre qu'on va mettre à la participation habitante. S'il n'y a pas de grain à moudre, c'est juste de l'info, ce qu'on fait du marketing. Audrey, elle a décidé qu'un enfant, c'était pas assez. Dans sa maison, tous les jours, toute la journée, elle en veut 16. Le soir de cette fête du mois de novembre destinée à mettre en lumière ses habitants, le maire avait proposé à trois d'entre eux de monter sur scène, en public, pour raconter sur le mode des conférences TEDx, une initiative qu'ils avaient mise en œuvre au cours de l'année dans la ville. Il a appelé ça les Ch'tis TEDx. Parmi eux, Audrey Machrowitz, assistante maternelle, qui a ouvert avec trois autres nounous une maison pour garder toutes ensemble 16 bébés. Donc bonsoir tout le monde. Donc je suis ici pour vous présenter mon projet de la création d'une MAM, une maison d'assistante maternelle, située au 7 rue Anatole France à Losangoël. Donc on s'est dit pourquoi pas ouvrir une MAM, ça permet aussi de partager nos activités, partager notre matériel, partager nos idées, partager nos façons d'élever les enfants, etc. Donc la MAM porte le nom Les Petits Pieds de Loos, mais on aurait pu aussi nous appeler D'Artagnan et ses trois mousquetaires. C'est sûr, on n'avait pas d'épée, on n'avait pas de cap, mais on avait la même solide motivation pour réussir ce projet. Nous avons créé une belle amitié, et c'est ce dont se souviendront le personnel de l'urbanisme de la mairie de Losangoël. Lorsqu'ils nous voyaient arriver, ils devaient penser à nous, encore les chiantes de l'os. Parce que c'est vrai que tous les jours, on insistait, on était dans leur bureau. On leur a même demandé de nous faire une machine à café parce que vraiment, on était tout le temps là-bas, on n'avait jamais le café. Mais on avait leur soutien quand même, donc on les remercie encore aujourd'hui. Le dossier par le service de l'urbanisme de la mairie, mais traité par les services de l'État, passe de main en main, s'oublie, se perd, revient incomplet. Enfin bref, cela nous énerve prodigieusement car nous voyons la date de démarrage approcher. La jeune femme raconte les nombreuses péripéties administratives rencontrées pour monter son activité et comment il a fallu beaucoup d'imagination à la mairie pour trouver une solution légale afin de l'accompagner dans son projet. D'abord, moi, je voudrais juste te dire que c'est magique ce que tu dis, comment tu es, et ta simplicité, spontanéité, enfin, ça m'émeut, tu vois. Merci, ça m'émeut. C'est gentil. Sur la question de la maison, je vais quand même dire un petit mot. C'est compliqué pour un maire, une MAM, c'est un acteur privé, c'est pas un service public. Et du coup, les mairies, elles sont encadrées par le fait qu'on n'a pas le droit de faire de la concurrence déloyale dans le secteur privé, ce qui est normal. Oui, oui, oui. Parce que quand on soutient une MAM, pourquoi on ne soutiendrait pas une autre, etc. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'ai eu des courriers très agressifs de gens qui disaient « Mais en fait, ces gens-là, eux, ils sont plus aidés par la mairie. » Et c'est pour ça qu'on a trouvé ce compromis. Que du coup, en le mettant en location, nous vivons n'importe qui, on peut vivre en maison. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être l'empêcheuse de tourner en rond, enfin l'empêcheuse de monter le projet, quoi, parce que il manquait toujours un papier, c'est vrai, il manquait tout. Mais elle me disait, voilà, c'était pas simple, quoi. Avouez-le, on va vous manquer. Mais elles vont bientôt nous revoir, parce qu'on n'a toujours pas eu nos places de parking promis devant la MAM. Donc bientôt, les petits pieds de l'os sont de retour à la mairie. Bonsoir Julien. Bonsoir. Moi j'aurais une question toute simple, c'est qu'est-ce que vous avez appris vous de cette histoire, de cette aventure? Moi à la base je suis timide, donc avant je parlais pas comme ça devant du monde. Mais quand on va rencontrer des gens, on prend de l'aise, etc. Et surtout aujourd'hui je suis vraiment fière d'avoir réussi et si on en est là aujourd'hui c'est vraiment grâce à eux quoi. Et vous savez, dans une commune, il y a plein de gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Il y a plein d'exclusions. Par exemple, les gens qui sont en très forte obésité, ils sortent pas de chez eux. Les gens qui ont du mal à écrire, et il y en a plein, hein, ils se tiennent à distance, ils ont honte. Et les gens qui se sentent pas légitimes. Exactement, qui sont dans des formes d'isolement et d'exclusion pour des raisons diverses, de santé, de culture, de nationalité, etc., etc. Comment vous allez les chercher? Mais on va les chercher, sur toutes les initiatives spontanées, et on va les chercher sur tous les enjeux de la vie quotidienne. Une formule que je dis souvent qui va vous faire rire. Si je fais une réunion publique à Los sur le réchauffement climatique, mais il y a mes deux copains monomaniaques du réchauffement climatique qui viennent me voir, et on est à trois dans la salle. Il n'y a personne d'autre. Les gens s'en foutent. Par contre, si on dit comment ça se fait qu'on a des problèmes de sécurité, d'embouteillage devant toutes les écoles, comme partout en France, hein, et que si les parents pouvaient, ils rentreraient avec leur voiture dans la classe de l'école. Et ça, c'est un problème pour les parents d'élèves. Et quand on commence à tirer le sujet, les gens disent « Oui, mais moi, si mon enfant pouvait aller à pied ou à l'école, mais sans risquer d'être écrasé, oui, je le ferai. Ok, donc on va aller en site propre. Donc on rachète des bouts de terrain pour sécuriser, pour avoir des accessibilités aux écoles. C'est un exemple. Donc quand on multiplie toutes les portes d'entrée, l'usage du terrain de foot, l'usage des salles de sport, la réfection des chemins agricoles, etc., etc., c'est autant de portes d'entrée qui à chaque fois font venir un paquet. J'ai eu une grosse tension avec les agriculteurs, mais... À l'arrivée, on a réussi à faire un 50-50 avec les agriculteurs. Des habitants, des acteurs de la ville, estiment qu'il y a un problème, qu'il n'est pas suffisamment pris en compte, et donc ils interpellent la ville. Et moi, ce que je dis, c'est, nous, on fait notre boulot, on a un budget très faible, hein, on n'a vraiment pas beaucoup de sous, mais ça n'exclut Enfin, ça n'interdit pas les habitants d'avoir des idées. OK, donc on se met autour de la table. Et on travaille le sujet. Le premier 50-50 qu'on a fait, c'était sur un embellissement de quartier, fleurissement. Et au bout de plusieurs séances où les gens, ils ont commencé à comprendre les enjeux réglementaires, on n'a pas le droit de mettre des jardinières avec des angles aigus, donc on ne pourra pas nous-mêmes faire des jardinières en parpaing. Parce que les gens me disaient ça, on va les faire, jardinières, si la ville n'a pas de sous. Bon, j'ai dit oui, mais il y a des règles, il y a des normes. Si un enfant se blesse, bah, ça va poser des problèmes de responsabilité. Ils pigent mieux les enjeux financiers. À l'arrivée, notre premier 50-50, c'était on amène les jardinières, on met les fleurs au mois de mars. Toute l'année, c'est vous qui allez les désherber, arroser. Parce que nous, on n'a pas les moyens de le faire. Mais les fleurs n'ont jamais été aussi bien entretenues. Donc ça, c'était le premier 50-50. Et ça aujourd'hui, continue. On en a une cinquantaine. Mmh. Et par exemple, on a refait les chemins agricoles. Les agriculteurs, ils essayent de raboter les chemins. Ils finissent par les labourer. Et quand il est labouré d'un côté et de l'autre, à la fin, il fait 2 mètres au lieu de faire 6 mètres comme au départ. Bon. Mais c'est des chemins vicinaux ? Oui, ce sont des chemins dans les champs. Mmh. Et donc, ils venaient tous râler en disant « il faut refaire les chemins », etc. J'ai dit « non ». Je ne remettrai pas un euro dans les chemins tant que vous l'élaborez, quoi. Ça va. Pas mettre le budget des lots là-dedans. Bon. Et à la fin, on a fini par faire un 50-50. Nous, on achète les matériaux. On achète le gros rouleau. Eux, ils vont les transporter. On va chercher les matériaux au terri où il y a du concassage de matériaux. Ils le transportent. Ils le déversent sur le chemin. Ils l'étalent. Et il y a un employé de la ville qui est sur le gros rouleau. Pour l'aplatir. Pour l'aplatir. Et au lieu d'une opération qui aurait coûté 100 000 euros à la ville quand on fait faire par une entreprise, ça nous a coûté 30 000 euros. Et les agriculteurs ne labourent plus les chemins. Et même, ils sont fiers. Patricia Rincheval vit dans la cité Belgique, un quartier géographiquement à l'écart du reste de la ville. Elle a longtemps œuvré pour obtenir cette maison de quartier où nous nous rendons. Elle regrette aujourd'hui qu'il ne s'y passe pas grand-chose, à part l'accueil du mercredi pour les enfants, dont elle s'occupe bénévolement. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Ah mais il y en a pas mal aujourd'hui. Il en manque beaucoup. Il en manque beaucoup ? Oui. Aujourd'hui, vous avez fait quoi avec les enfants ? Alors, ils font un cerf-volant, et puis ils ont fait du coloriage aussi. Et avec ce coloriage, ils vont monter des personnages, et puis peut-être par la suite faire un petit spectacle qu'ils auront inventé eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a 4 bénévoles. Oui, 4 bénévoles aujourd'hui. L'idée de votre association, c'est quoi ? Alors, notre association a pour but d'occuper les enfants du quartier ou d'autres quartiers. Au début, on a commencé avec 50 centimes, les enfants donnaient 50 centimes pour l'après-midi. Maintenant, on est augmenté à 1 euro avec le goûter qui est compris dedans. Plutôt que de voir les enfants courir dans les rues à moitié tout nus ou à pieds nus dans les rues à la rigueur. Vous voyez des enfants venir là-devant à pieds nus, pas de chaussures et tout. Il y a des enfants sans chaussures ? Oui. En couche, les enfants courent. Alors ça nous fait mal au cœur, franchement ça nous fait mal au cœur. Et vous travaillez ? Non, je ne travaille pas. Donc c'est important pour vous ce bénévolat que vous faites ? Ça fait 17 ans que je fais, alors donc si ce n'est pas important... Et puis là, hein. Non, moi c'est mon occupation et puis moi je suis contente quand je vois des enfants que j'ai eu tout petit ici, qu'ils vous voient dans les rues, qu'ils viennent vous embrasser, on voit qu'on leur a apporté quelque chose, voilà, moi c'est ma joie de les voir. Et est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça ressemble cette cité minière ? Ben maintenant ça ressemble plus à rien. Ben c'est joli ces maisons en briques avec des jardins autour. Vous avez fait le tour de la cité ? Vous voulez passer dans ma rue ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'il y a des logements vides, des terrains qui ne sont pas nettoyés. Les gens jettent leurs ordures dans le terrain. Dans le jardin à côté, c'est plus facile que mettre à la poubelle. On jette tout au-dessus, alors vous voyez, il y a des rats. La cité, c'est une cité poubelle. Là, au coin, c'est une décharge. Alors la mairie dépense de l'argent à ramasser tout ça, 2 jours après, ils peuvent recommencer. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème ? Ça fait beau, hein, vous avez des canapés, des pneus, mais tout ce que vous voulez, quoi. Et nous, on râle pour ça. Parce que cette année, nous, on a refusé de nettoyer la nature. On a dit non, on n'y participera pas. Parce que qui vous avez demandé de nettoyer ? Ben, c'est la commune le fait chaque année. Mmh. Elle demande aux habitants de l'aider à nettoyer. Voilà. Et vous avez refusé ? Oui. Enfin, moi, j'y allais pas, ma fille y allait, Cindy y allait. Parce que nous, on sait qui c'est qui fait ça. On le sait, on l'a déjà dit. Ça bouge pas d'un côté, ben nous, on bouge. On va pas aller nettoyer la merde des autres. Et ça me fait mal au cœur de voir tant d'ordures pour un maire écolo. Vous trouvez qu'il agit pas assez ? Ben, il agit dans le mauvais sens. Il devrait investir soit dans des caméras, ou avoir le courage d'aller fouiller dans tous ces détritus, trouver des noms et donner des amendes. Il y a des caméras à Los Angeles ? Non. Il faudrait qu'ils mettent des caméras. Le coût serait cher au début, mais tout ce qui fait ramasser là, monsieur le maire, sans arrêt, ça doit lui coûter aussi. Dans la façon de mobiliser la population, il y a une chose qui est extrêmement puissante et qui se voit surtout ces jours-ci, c'est qu'on a mis le paquet sur la question de l'habitat et sur la question de la rénovation et de la construction en éco-construction. Et on a aujourd'hui plus de 10% de nos logements qui sont éco-conçus. Et donc on a aujourd'hui des centaines de personnes qui payent moins de 150 euros de chauffage par an. Et bien ça, pour les gens, mais ça, ça fait une traînée de poudre. Quand vous avez des gens qui sont au chauffage électrique et qui sont à 1500, 2000 euros de chauffage par an et qui ne sont pas bien dans leur maison parce que ce n'est pas confortable, et ben un jour, le premier habitant, il est venu m'amener sa facture. Il dit, vous savez, monsieur le maire, des fois, vous voyez des journalistes, vous dites qu'on ne paye pas beaucoup de chauffage, ben vous vous trompez. Hein. Alors au fond de moi, j'ai dit, merde, je rêve tout haut, quoi. Et puis, il dit, vous dites qu'on paye 300, 400 euros. Non, je vous ai ramené ma facture, regardez, 149 euros. J'ai dit, non, mais 149 euros, je dis, à l'année ? Mais il dit, oui. J'ai dit, vous êtes combien ? On est quatre, on est un couple avec deux enfants, dans un T4. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant parce que, c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend une décision, c'est quoi son impact social ? C'est quoi son impact économique ? C'est quoi son impact environnemental ? Donc juste, nous, on est dans le 21e siècle, alors. Je pense vraiment qu'on est arrivé à la fin d'une période qui a commencé au siècle des Lumières, où l'homme a commencé à maîtriser la science, à développer, on a eu de la toute-puissance. Et à un moment donné, les ressources de la planète s'amenuisent, disparaissent, les impacts de ce qu'on fait modifient l'écosystème de la planète. Donc on est arrivé à la fin de ce cycle de la toute-puissance. Et c'est ce qu'on a vécu, nous, d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on a vécu, quoi, la toute-puissance des houillères, etc., etc. Donc, localement, on a réussi à montrer que c'était possible de faire autrement, de réarticuler les questions économiques, sociales, environnementales. Et donc, ça fait système, ça fait apparaître l'esquisse d'un nouveau modèle de développement. Pour moi, le sujet, c'est le changement d'échelle de ces solutions-là. Si on s'appuie sur les territoires, Yalos, il y en a d'autres en France. Il y a Malonnet, il y a Mouans-Sartou, il y a Grande-Synthe, il y a Ungersheim, il y a l'île Saint-Denis, il y a Le Menet en Bretagne. Il y a quelques territoires comme ça où ça fait système. Et ben pourquoi on n'essaye pas de transposer ça au niveau national ? On peut, hein ? On peut le faire sur plein de sujets. Le changement d'échelle est atteignable. Et on a autrement plus de moyens. Et je vais vous donner un chiffre. La France, elle dépense chaque année, source ADEME, 70 milliards d'euros pour les énergies fossiles. 70 milliards d'euros. Pétrole, charbon, gaz, uranium. Imaginez qu'on en prenne 10%. C'est le sujet des gilets jaunes, hein ? C'est le sujet du gasoil. Imaginez qu'on en prenne 10%, 7 milliards d'euros. Et on l'injecte dans la transformation, enfin dans l'économie d'énergie, dans les bâtiments, etc. On crée des dizaines de milliers d'emplois dans tous les départements. Il n'y a pas un endroit de France où il n'y a pas des passoires énergétiques. On accroît l'indépendance de la France dans ses approvisionnements énergétiques. On diminue considérablement les impacts en CO2 dans l'atmosphère. On améliore le pouvoir d'achat des familles, plutôt que de filer le pognon aux émirs du Qatar. Franchement, il vaut mieux le mettre dans les gens qui bossent dans le bâtiment. Franchement, qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? Merci à Jean-François Caron, Francis Maréchal, Christine Stievenard, Julien Perdrija, Patricia Rincheval, Margot Essono, Audrey Machrovitz. Prise de son, Florent Layani. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Perrine Kervran, assistée de Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Martine Abbat, réalisé par Julie Béressy pour la série documentaire. Maire, administrée, conseiller et conseillère municipale, premières adjointes et jeunes élus, LSD, c'est tout pour cette semaine.